Cours numéro 22. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. تتقدم معنا dans le درس précédent الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل. الشيخ العثيمين إلى cité رحمه الله un كلام مفيد في بيان اللوازم الباطلة de ce مذهب. أي le fait de rejeter الصفات ou de les déformer, de les interpréter avec une fausse interprétation. Awlana hada, c'est fondé sur at-tamthil. Les Mahada, ils n'ont pas accepté, ou ils se sont sentis contraints d'expliquer, ils déforment, c'est du tahrif. Les Mahada, les Anahum, ils ont pensé que Zahir, c'était du tamthil. Wajah Rabbuk, ils ont pensé que Al-Maji, c'était comme l'être humain. Donc pour eux c'est compliqué, ils disent comment dire que Allah il vient alors que l'être humain il vient. Al-Muqaddima elle est fasida. Al-Muqaddima elle est fasida. Al-Muqaddima ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur principe de base il est faux. Pourquoi penser que c'est une ressemblance aux créatures? Nous maintenant on dit waja'a rabbuk comme c'est cité dans le Coran, sourate Al-Fajr, et na'taqid anna al-maji c'est pas comme maji al-makhluq. Et alhamdoulillah on n'est pas dans cette contrainte fi hadha al-haraj. Et dans ces doutes, est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas, est-ce que c'est de la ressemblance aux créatures, amla abadan. Limadha li anna Allah azza wa jalla a'lamu bi nafsih. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam a'lamu bi rabbih min ghayrih alayhi salatu wa salam. Donc, c'est très très simple. Ha'ula al-muqaddima li fasida. Donc ça a impliqué des choses graves. Parmi ces choses, alors, ils ont pensé que c'était du tamthil. Et tamthil c'est du kufr. Donc ka'anna il y a du kufr fil le Coran ou fil le Sunna, et eux ils se sont sentis obligés de corriger, de montrer aux gens. Ayyadan billah. Thaniyan, anna hadha ça implique un kalam grave. Anna hadha al-zahir, cette apparence qui se sentent obligés de déformer ou de rejeter. Limadha al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam wa man ja'a ba'dahu min a'immati al-huda, et ceux qui étaient avec lui min ashabihi radiyallahu anhum, limadha ils n'ont pas montré. Est-ce qu'ils ignoraient? C'est très très grave. Accuser Ha'oula d'ignorer ce sujet. Est-ce qu'ils savaient et ils n'ont pas montré? C'est encore plus grave. Donc ça montre que Al-Madhab, Aslan, Madhab Al-Mu'attila, cette voie de rejeter les attributs ou de les interpréter avec Iyadan Billah, les passions et la akhiré, ça c'est de l'égarement. Hada khulasat ma dhakarahu Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Kadalik, il a cité le point de Al-Majaz, ils ont pensé que tu pouvais interpréter les textes avec autre chose que les textes. Waja'a rabbuk, eux ils vont dire l'amr, men sadaqahum, qui c'est qui les a devancés? Il faut un délil. Pourquoi les compagnons ils n'ont pas cité cette explication? Pourquoi Ibn Abbas radiyallahu anhu, habrul umma, al-mufassir al-kabir fil Qur'an, limadha il n'a pas expliqué waja'a rabbuk par waja'a أمر ربك هذا في الحقيقة c'est واضح فلهذا à cause de cette شبهة المجاز ils ont pensé qu'ils pouvaient rejeter لماذا لأن le sens apparent c'est pas le bon et ils ont pensé qu'ils pouvaient interpréter فإذا ils ont interprété عيدا بالله. Et c'est une fitna كبيرة qui a touché cette umma, أي التحريف, ce qu'ils appellent هم التأويل. Hada c'est mafhoum. Donc, on n'a pas cité les cinq points, lakin ce qu'on a cité, c'est le résumé. Qala rahimahullah. On reprend la dernière parole, hatta on fait le lien avec le dars précédent. Qala wa minhum man tanaqadha fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd kal ash'ariyya wal maturidiyya athbatu ma athbatuh بحجة أن العقل يدل عليه. نعم. فparmi هؤلاء من تناقض. التناقض c'est se contredire. Accepter une chose, rejeter une chose, alors que ces deux choses elles ont la même source. Celui qui accepte les sifat, il doit toutes les accepter. وإلا s'il accepte certaines et il rejette d'autres, في الحقيقة c'est du تناقض, c'est de la contradiction. حال الأشاعرة والماتريدية. قال بحجة أن العقل يدل عليه. أي ce qu'ils ont accepté ils disent que l'aql, la raison, elle l'accepte. قال ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Ça c'est très très grave comme on تقدم. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé des versets du Coran Karim que notre raison elle peut accepter et d'autres que notre raison elle peut pas accepter. C'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Hakim, c'est le Khabir. Tout ce qu'il a révélé c'est clair et on doit croire et on doit accepter. Wa illa on accepte une partie on rejette une autre. Ayyadun billah, ça c'est mon suivant les Yahoud. الذي آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض قال فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. Donc هنا on s'est arrêté هنا et on avait dit يحتاج هذا الكلام إلى تركيز. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله c'est très simple في الحقيقة. Il veut démontrer أن ce qu'ils ont rejeté, مثلاً صفاتُ الرحمة, il va citer cet exemple. Et ce qu'ils ont accepté, une sifa qu'ils ont rejeté, comme exemple, الرحمة, la miséricorde, un autre attribut qu'ils ont accepté, on peut citer comme exemple, الإرادة. C'est les deux exemples que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité. Al-Mu'allif, rahimahullah, il va montrer أن الإرادة, ils l'ont accepté, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de l'irada et la volonté. Limada, pas parce qu'il y a des textes, là, parce que la raison elle l'accepte. Ça c'est l'irada. Mais vous, Shifat al-Rahma, ils l'ont rejeté. Limada, pour eux, la raison elle l'accepte pas. Limada, l'anna al-Rahma, ça va impliquer des choses. Ça va impliquer la tendresse, ça va impliquer l'atifa, ça va impliquer Obama. Les créatures, quand ils font d'Arrahma, Obama, ils font des concessions sur certaines choses et ils disent tout ça, c'est du naqs. Fanafou. Mavoum. Donc, ils ont accepté l'irada avec l'aql. Ils ont rejeté Arrahma avec l'aql. Cheikh Ibn Uthaymeen, huna rahimahullah, قال, et il va démontrer, anna, comme ils ont accepté sifatu al-irada, la volonté avec la raison, kadhalik, on peut leur prouver que sifat al-Rahma, la raison, elle l'accepte. Falimada, vous la rejetez. Bel, rahmatullah alayhi, va montrer anna al-dalil al-aqli ou al-dalal al-aqliya fi sifat al-Rahma, elle est aqwa que sifat al-irada. Et l'aql, pour vous simplifier, la raison, elle a plus de facilité à accepter l'attribut de la miséricorde que de la volonté. Et ma'a hadahum, ils ont rejeté. Ça montre qu'ils suivent leur passion. فسي وزعك هذا قال رحمه الله مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. Donc on a ces deux exemples, l'attribut de la volonté, l'attribut de la miséricorde. قال أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه ومع ذلك لم يثبتوا الإرادة على ما أثبته أهل السنة. قال بل على وجه آخر. فهم أثبتوا الإرادة بالدليل العقلي. Et ça c'est important. أن هذا الإثبات qu'ils ont fait dans صفة الإرادة, c'est pas comme notre إثبات à nous. Eux, ils se sont basés sur la raison. La raison, elle aurait pas accepté la volonté, elle aurait rejeté. Comme ils ont rejeté الرحمة واليدان والوجه والأصابع et toutes les autres صفات. Donc, ils acceptent صفة الإرادة, ils rejettent صفة الرحمة. قال أما السمع أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. نعم أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. Ça c'est un دليل من القرآن صفة الإرادة ولكن الله يفعل ما يريد. الله يفعل ما يريد. Donc صفة الإرادة لتابتة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يريد. الله سبحانه وتعالى يفعل certain choses. سبحان. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات. هنا faut bien comprendre une chose, c'est que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité أولا l'attribut de l'irada, la volonté que l'ash'ira ils acceptent. Pourquoi ils l'acceptent? لأن la raison elle approuve cette sifa, et il va montrer pourquoi la raison elle approuve. C'est le kalam qu'on va lire الآن. ثم il va leur montrer que sifat al-Rahma c'est pareil, pourquoi la rejeter. فلهذا suivez bien. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. Vous avez compris هذا. On répète وأما العقل, la raison, فإن اختلاف المخلوقات والتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. C'est quoi qui prouve الإرادة؟ C'est اختلاف المخلوقات والتخصيص بعضها بما لم أو بما يختص به أو لم يختص به الآخر. Qui c'est qui explique bien ça؟ هنا تفضلوا تفضل. نعم هذا مثلا محمد إلى طويل إيه عمر إلى قصير الله إلى كخي محمد إيه في 1m90 إيه إلى كخي أن أخر بشر يسابل عمر في 1m60 زيد أحسنت ça montre quoi ça veut dire que Allah سبحانه وتعالى le créateur il a voulu أراد créer cet homme 1m90 l'autre 1m30 est-ce que pour prouver l'irada هنا Cheikh Ibn Uthaymeen là c'était un délil là le délil là c'était au départ amma هنا هذه الدلالة في الحقيقة elle suffit si tu cites هذا un ami qui ne connaît pas le Coran sans lui citer le verset tu le montres et après tu le dis est-ce qu'Allah yurid il va te dire non il a voulu هذا de cette taille et un autre de cette taille donc tu comprends pourquoi هؤلاء ils ont accepté ce sifat l'aql il accepte reviens à un sifat liyadayn est-ce que tu peux faire une réflexion comme ça avec Sifat al-Yadayn, tu ne peux pas. Allah, il a des mains. C'est pour ça qu'on a dit certains Sifat al-Ulama, ils les appellent Aqliya. Quand on disait, hey, l'Aqli peut comprendre, c'est min hadha al-bab. Avec une explication, même si tu ne connais pas de délil, tu peux dire, naam, sahih, autour de moi. Maintenant, pourquoi certains êtres humains, ils sont de couleur noire, d'autres, ils sont de couleur blanche. C'est Allah qui a voulu hadha. Et كذلك on rajoute une chose هنا أن هذه الإرادة elle est مقرونة بالحكمة. Ça nous montre أن c'est une فائدة عظيمة في الحقيقة أن tout ce que tu vois il y a une حكمة. Certaines choses on ne sait pas. Pourquoi le ciel il est bleu? من أراد هذا? Le ciel il aurait pu être vert, il aurait pu être rouge. Allah أراد أن يكون أزرق bleu. Il y a une حكمة عظيمة. Et on personnellement là je la connais pas. فهذا ça c'est pour vous montrer صفة الإرادة et لا شك أن هذه الإرادة بحكمة tout ça avec la raison on continue قال ونفوا الرحمة donc ils ont accepté الإرادة avec la raison et on a cité l'exemple ونفوا الرحمة pourquoi ils ont rejeté الرحمة لأنها تستلزم لين الرحم الرحم c'est celui qui va faire la rahma parmi les êtres humains مثلا اللين c'est quoi ça ressemble à la c'est la douceur اللين واللطف والرفق c'est des mots qui se ressemblent لين الرحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله الشيخ ابن عثيمين في الشرح إلى غاجوتي قال نعم لين على رقة ولين قال وانعطاف أي من العاطفة وما أشبه ذلك مما ذكروه وهذا نقص صحيح تأمل l'être humain Quand il a de la rahma, tu prends la mère avec son enfant, l'ulama cite souvent à hadha al-midhal, anna la mère, la shak anna, chaque mère elle a de la rahma pour son enfant. Et hadhihi rahma, elle est fondée sur la tendresse, sur l'amour de son enfant, et kadhalik, sur beaucoup de faiblesses. فَلِهَذَا رُبَّمَا cette femme, elle va protéger son enfant, même s'il fait quelque chose de grave. لِمَذَا لِأَنَّهَا تَرْحَمُهُ Peut-être qu'elle va mentir. Peut-être qu'elle va cacher certaines choses. Il a akhiri limala li annaha tarhamuh. Donc cette rahma est fondée sur la faiblesse. Là, la rahma des êtres humains. Comme les nazis, ils font des concessions sur leur din ou ils s'écartent à cause de. Ils penchent trop bab al-rahma. Ils n'ont pas assez de sabbat. Ils ont compris al-rahma avec la raison et la rahma qu'ils voient chez l'être humain. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas avoir de rahma. Limala li anna pour al-rahma, c'est du naqs. C'est de l'imperfection. قال شيخ ابن عثيمين وهذا محال في حق الله. أي d'après هؤلاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est le رب, c'est le قوي, c'est العزيز, c'est le جبار. Il est على كل شيء قدير. Donc eux ils ont dit هذه الرحمة qui est fondée sur la faiblesse, la tendresse, l'affection إلى آخره. Là Allah سبحانه وتعالى il peut pas l'avoir. قال شيخ ابن عثيمين وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل. سا Ça, c'est important. Et ça, ça nous montre manhaj. Ça nous montre manhaj à ha'oula. Awwalan al-aql. Leur aql, qu'est-ce qu'il leur fait faire? At-tamthil. Matalan al-rahma, qu'ils ont compris l'un, c'est rahmat al-makhlouq. Ils ont fait du tamthil. Donc, deuxième étape, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vu qu'il y a un texte, Bismillahirrahmanirrahim. C'est un texte clair sur le Coran, al-Karim. Allah, c'est rahman, c'est rahim. Vu qu'il y a un texte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Awwalu al-adilla al-sama'iyya. En fait, c'est du tahrif. Harrafu. Vu qu'il y a un texte, ils vont dire na'am. Allah, il a dit que c'est ar-rahman ar-rahim. Lakin ar-rahma, ça veut dire kada. Ou ça veut dire kada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, awwalu al-adilla al-sama'iyya al-muthbita lir-rahma ila al-fi'l. Qala aw iradati al-fi'l. Et ça, c'est important. Ça, c'est très très important et on ne détaillera pas. C'est assez complexe, ça demande du temps et ça viendra, inshallah, dans d'autres livres. Pour résumer, Al-Ash'ara, ils ont une tariqa khatira jiddan fi ta'wil imma yu'awwilun yuharrifun avec une autre sifa. Hada qawluhu ila al-fi'l. Mathalan, sifatul rahma, ils vont faire al-tahrif avec une autre sifa, ils vont dire l'irada. An Allah subhanahu wa ta'ala yirham ibada ay yurid lahumul khayr. Hum, ils vont dire hakada. Anzuru. Al-Rahma, ils vont l'expliquer avec une autre sifa, avec l'irada. Et Al-Ghadab, ils vont l'expliquer kadalik avec l'irada, iradatu al-intiqam, ila akhir. Beaucoup de sifat, ils vont l'expliquer avec l'irada. Allah subhanahu wa ta'ala yadhak, ils vont dire yurid lahu al-khayr ou al-thawab, etc. Donc, ils ont une tariqa, ils expliquent une sifa par une autre sifa. Et la sifa qu'ils vont choisir, c'est une sifa que l'aql accepte. Matalan, al-irada. Ça, c'est leur première tariqa. Leur deuxième tariqa, ou iradatu al-fi'l, avec l'azim. هذا كثيرا وهذا on détaillera pas لأن ça peut être compliqué pour certains et ça prendrait du temps et ça viendra dans d'autres livres. فهم et ils vont expliquer beaucoup de صفات par النعمه مثلا ان الله سبحانه وتعالى fait telle chose, ils vont l'expliquer par لازم. Alors que اهل السنه نحن on va accepter ان الله سبحانه وتعالى c'est le منعم et كذلك on accepte ان الله سبحانه وتعالى c'est le rahim. اما هم Ils éliminent, ils rejettent l'étape de la sifa et ils prennent le lazim. Est-ce que cette sifa elle va impliquer? Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rahim, wa min rahmatihi azza wa jalla annahu yunzil al-matar. Yunzil al-matar, c'est lui qui fait descendre la pluie. Bi rahmatihi azza wa jalla. C'est pour ça que même l'awam quand il pleut, ils disent hada, c'est min rahmatillah. Et sahih, c'est min rahmatillah azza wa jalla. Al-Ash'ara, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont expliquer ar-rahmahum par la ni'ma. Par le lazim. Nous, on croit au lazim, ay min rahmatillahi azza wa jal, an Allah il a fait descendre la pluie. Enfin, la descente de cette pluie, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal, et kadhalik la sifa, ar-rahma nu'min biha. Wa hada, si vous n'avez pas tout saisi, inshallah, ça viendra dans d'autres livres. Qala fa naqulu lahum. On revient à ce point important. Fa naqulu lahum. Ar-rahmatu. ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. أولا أن كم pour صفة الإرادة on a un دليل du Coran بل plusieurs أدلة du Coran ولا السنة pour montrer qu'Allah il a de la rahma. بل شيخ ابن عثيمين هنا il a démontré أن الأدلة في صفة الرحمة les preuves que Allah il a de la miséricorde ils sont beaucoup plus nombreux que adilat al-irada. Qala rahimahullah faqad wuradat bil ism mithl ar-rahman ar-rahim wal wasf wa rabbuka al-ghafur dhur-rahma wal fi'l mithl yarhamu man yasha. Na'am. Donc ar-rahman est venu sous forme de ism ar-rahman un masdar wa une sifa dhur-rahma celui qui a de la rahma et al-fi'l yarham ay une action. Donc, sifat ar-rahman, c'est une sifat dhatiya fi'liya. Ar-rahman, ar-rahim. Qal, wa yumkin ithbatuha bil-aql. Huna, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il réfute ha'oula pour leur montrer anna, comme vous avez accepté sifat al-irada, il y a un délil du Coran, de la sunna, et la raison à l'accepte, il va leur montrer anna, la raison à l'accepte ar-rahman. Fait pourquoi vous la rejetez? Et fil haqiqa, vous allez voir l'explication, elle est qawiyya jiddan. Et تتعجب ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية أن هؤلاء يرجت هذه الصفة العظيمة. قال يمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تطرأ على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل. صحيح. Cette pluie, cette sécurité qu'on vit, cette nourriture, cette boisson, cette guidée, ce Coran, cette fraternité. Tu tombes malade, alhamdoulilah, t'es guéri, t'as une douleur, tu patientes, la douleur elle part. Tout ça c'est min rahmatillahi azza wa jal. L'aql il accepte ça. C'est pour ça que si tu dis à un ami, an Allah subhanahu wa ta'ala il a pas de rahma, rubbama yukaffiruk. Lakin haoula, ils disent pas qu'Allah il a pas de rahma. Là, ils disent na'am, Allah il a la rahma, lakin la rahma ça veut dire iradatu kada. Et بعض الناس ils disent ah na'am, la rahma ça veut dire il veut kada. Alors que là, Allah il a la rahma et c'est une rahma, c'est une vraie rahma. عز وجل قال ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. الشيخ ابن عثيمين هنا يمونتخنا في الحقيقة لا الفت de prouver par la raison que Allah il a de la rahma c'est encore plus fort que la volonté. لماذا قال لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. C'est pour ça que tout à l'heure quand on a posé la question, بعض الإخوة ils n'avaient pas saisi au départ comme il fallait. لأن خاصة c'est en langue arabe et le بعض ربما ils n'ont pas saisi à cause de la langue arabe. لكن عمي si on lui explique أن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ببعض الى اخره ça montre ان الله سبحانه وتعالى الى صفه الاراده بعض العوام يهو با كومبرون faut que tu lui cites un mythal avec la taille avec la couleur il a arrêté même avec cela peut-être qu'il comprendra pas il va te dire même fulan il est grand fulan il est petit il aura peut-être du mal à comprendre en tu dois faire des efforts pour lui montrer ان cette grandeur c'est par la volonté d'Allah et fulan il est plus petit c'est par la volonté d'Allah et il finira par comprendre amma cette explication avec sifat ar-rahma situe l'exemple de la pluie فقط. فقط. Tu lui dis, Anna, cette pluie, ça montre qu'il y a un créateur. Anna, cette pluie, elle est créée. Cette pluie, nastavid, minha, dans notre vie de tous les jours, pour boire, pour manger, pour les animaux. Belle pour tout, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie. Et ça, c'est min rahmatillah. N'importe quel ami, il va te dire, na'am, belle, il va faire dua, an Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuqana al-matar. Fahada, on revient, al-sha'ira al-ayn, ils ont rejeté sifat ar-rahma. Pourquoi ils ont rejeté sifat ar-rahma? Ahzant, لأن هذه الرحمة pour eux فيها ضعف. Ça peut impliquer des faiblesses, ça peut impliquer la tendresse, ça peut impliquer beaucoup de choses, l'exemple qu'on a cité. Enfin, ils l'ont rejeté. Et هذه الدلالة العظيمة qu'on vient de citer avec la pluie et la akhire, ما أظن ينكرونها. Il manque une chose, donc on peut conclure comment? عندك. الآن pour leur montrer que الحق c'est d'accepter, tu peux les convaincre avec quoi? لأن الله عز وجل هو أسماء الحسنى وأسماء اسم رحيم يشمل رحمة الكريم. Plus simple. أن رحمة الله لا ressemble pas à رحمة المخلوقين. لأن هو pourquoi il la rejette? Il dit que le rahma, il y a des faiblesses, il a akhiré, ça fait le haqqa, c'est la rahma de qui? Des êtres humains. Tu lui montres que le rahma, idha udhifat ila Allah, c'est une rahma taliqu billah. Comme l'irada. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent dire, mais l'être humain, il a de la rahma, il a akhiré. On leur dit, l'être humain aussi, il a de la volonté. Faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur. Certains croient, certains ne croient pas, c'est la volonté de l'insan. Si tu veux l'un, tu vas faire certaines choses. Tu peux écouter, tu peux ne pas écouter, tu peux prendre des notes. Tout ça, c'est bien. Idnillahi azza wa jal. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala azbata al-irada lil-insan. Fait tu lui montres anna hadha alladhi sabbaba cette mauvaise compréhension. La cause, c'est quoi? C'est toujours, ils font le lien entre l'attribut d'Allah et la créature. Et ça, c'est grave. Lianna fil haqiqa, si tu lui montres avec dalalatul aql anna toutes ces ni'am, cet enfant Rubama qu'il a, cette pluie, cette bonne santé, cette nourriture, son din, c'est min rahmatillah, ma'adhan il va te dire la. Tu commences par la, thumma tu lui montres anna ihdhar, vous vous rappelez la qaïda, anna fil ithbat, on fait attention à deux choses. La première chose, at-tamthil. L'application des règles. tu lui montres, Anna, fais attention, ne crois pas que le Rahman, c'est comme quand la mère, elle fait le Rahman à son enfant. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, sa Rahman, elle est parfaite. Wa laysa ka mithlihi shay. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها et ça, ça montre قوة هذا الشيخ. Il va répondre أن si eux ils disent أن là on dit pas الرحمة. Pourquoi? Parce que الرحمة c'est basé sur la faiblesse, les sentiments, il a akhiré. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il ne peut pas avoir cette chose. Cheikh Ibn Uthaymeen, comme on vient d'expliquer ensemble, Cheikh Ibn Uthaymeen, il leur montre que l'être humain, il a de la irada. Et que cette irada, si tu veux, tu vas lui trouver des défauts dans l'être humain. Il va citer l'exemple. Comment on peut conclure, vu que l'irada, il y a certains défauts, tu ne peux pas dire qu'Allah, il a l'irada. Ahum, ils ne disent pas ça, ils ont accepté l'irada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, قال لو كانت مستقيمة أي هذه الحجة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزع عن ذلك. هذا ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends l'irada في الإنسان, أنت مثلا tu veux après le درس sortir pour aller faire des courses. Cette volonté, elle est basée sur quoi, cette volonté? Elle est basée sur un besoin. Tu as besoin de faire des courses, tu dois acheter de l'eau à manger, il a akhiré. Donc cette volonté, elle est liée à un besoin. Celui qui a besoin, c'est quelqu'un de faible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne, c'est le hayyu al-qayyum. Donc, selon leur réflexion, on va dire, an al-irada, vu qu'elle peut être, elle peut avoir besoin de quelque chose, al-irada, fil haqiqa, c'est du naqs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il munazza 'anil naqs. Exactement comme ils ont fait ar-Rahman. Qu'est-ce qu'on dit, nahnu, pour convaincre Haoula? Tu vas le convaincre en lui disant, l'irada de Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comme l'irada de l'être humain. On revient toujours au tamthil. C'est très simple. Comme ar-Rahman, on lui dit, tu acceptes ar-Rahman, parce que ar-Rahman d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas comme celle de l'être humain. Fal-irada, vu que tu l'as accepté, tu ne vas pas faire هذا, مثلاً, penser qu'il y a un défaut. Là, ils ont accepté l'irada. Fais la même chose avec Ar-Rahman et la même chose avec toutes les sifat. Toutes les règles qu'on a vues, anna ithbat al-sifat, c'est sans faire de tamthil. C'est très très simple. Tout ce que même, c'est pour montrer ماذا, anna si, ha'oula, al-mubtiloun, ils seraient écartés du tamthil, awwalan, ils n'auraient jamais fait de ta'atil et tahrif. Fa'anta, tu n'as plus qu'à insister sur une chose, c'est quoi? Ahsan, laysa kamithlihi shay. Tu as compris ça, tu as compris tout le dars. Tout ce que l'imam Cheikh Ibn Uthaymeen a pour montrer ماذا, ان هؤلاء انحرفوا لماذا لانهم زوفوا بالتمثيل. Montre-lui qu'Allah il est pas comme la créature et ça ira tout seul. Si te dit l'aql il accepte cette sifa, l'aql il accepte aussi l'autre. Si te dit l'aql il rejette cette sifa, ben, si tu le montreras, il va rejeter aussi celle que tu as acceptée. C'est pas ça le mizan, c'est pas l'aql, c'est le Coran ou la sunna. Et tu fais attention à deux choses, au tamthil et au takif. Et tu verras que ça ira tout seul. Hada. Qala. Fa in ujiba. S'il répond. Bi anna hadhihi iradatu al-makhluq. Qu'est-ce qu'on lui répond? Si après lui avoir montré. Anna al-irada. On répète. Huwa dit. On accepte l'irada. Pourquoi? Parce que l'aql il accepte l'irada. Tayyib. Nous on lui dit lakin. Al-irada. Si tu réfléchis bien. L'être humain. Si on prend celle de l'être humain. Fa. Il veut une chose, c'est parce qu'il a besoin, il a akhri, donc c'est fondé sur la faiblesse. Comme tu as rejeté le rahma, pourquoi tu ne rejettes pas l'irada? Ouais, il va dire quoi? Il va dire l'irada, c'est iradatullah subhanahu wa ta'ala qu'on parle. On ne parle pas de l'irada de l'être humain. Enfin, qu'est-ce qu'on lui répond pour le rahma? Rahmatullah subhanahu wa ta'ala, c'est pas rahmatul makhluq. Comme vous dites anna al-irada, c'est pas iradatul makhluq, on vous répond la même chose, rahmatullah, c'est pas rahmatul makhluq. Fa limadha rejeter. Donc, conclusion, on accepte sifatu ar-rahma et on accepte sifatu al-irada. Qala rahimahullah, am أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به الشبه المعتزلة والجهمية, وذلك من وجهين. هنا ينوت مسألة أن البعض يظن pensé que الأشاعرة c'est أهل السنة. لماذا؟ لأنهم ils ont accepté certaines صفات أولا, et vu qu'on vit à une époque, et même avant, après l'époque des salaf, كثير من الناس ils ont commencé à délaisser les textes et se baser sur la raison. C'est pour ça que l'Asha'ira ils ont trouvé beaucoup de monde qui les suivait et ils se sont répandus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui la plupart des gens ils ont ce mu'taqad. Mu'taqad al-salaf il est moins propagé que aqidat al-Asha'ira. لماذا؟ لأن beaucoup de gens ils acceptent la raison, les choses qui sont basées sur la raison, et ils donnent pas beaucoup d'importance au texte. Donc بعض الناس ils ont pensé que l'Asha'ira ils étaient à la sunna. خاصة أن à l'époque quand l'Asha'ira ils sont sortis, ils ont eu beaucoup de problèmes avec le Mu'tazila et le Jahmiya. Donc l'Asha'ira ils ont réfuté le Mu'tazila et le Jahmiya. Pourquoi ils n'acceptent pas les sifat que l'Asha'ira ils ont accepté? Et le Mu'tazila ils ont répondu au Asha'ira. Il y a un sira tawil pendant des années, pendant des décennies, et il y a eu des livres qui ont été écrits, et kathirun minan nas ils ont pensé que l'Asha'ira c'était Ahl al-Sunnah qui répondait à Ahl al-Bid'ah. C'est pour ça que tu trouves fatahil min al-ulama, a'imma, kibar, comme l'imam Ibn Hajar, l'imam al-Nawawi, l'imam al-Bayhaqi, l'imam al-San'ani, Fizabul Salam, certains ta'wilat, l'imam al-Shawkani. Comme min a'imma, l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. A'imma, nastafid minhum wa nuhibhum, lakin zallu. Ils ont pensé que l'Asha'ira c'était eux Ahl al-Sunnah, et stafadu min rududihim contre l'Asha'ira, et ils ont eu certaines choubha. Et dans leur livre, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dans Sharh Sahih Muslim, il awwal clairement sifat al-yadayn. Il dit les mains, en fait, ça veut dire kada. Tastafid min hada, fawa'id awwalan, anna al-haq, c'est en revenant au kitab ou au sunnah, c'est pas avec l'imam tel ou le shikha tel. Personne est infaillible, sauf al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, tastafid min hada, anna tu profites min hawla al-a'imma. لأنهم أئمة الإسلام كم الحافظ ابن حجر الإمام النووي الإمام البيهقي إلى آخره, لكن احذر de leurs تأويلات. C'est pour ça que le livre il est important et le تحقيق il est مهم. مثلا celui qui veut lire dans فتح الباري de الإمام ابن حجر رحمه الله, le dernier باب مثلا كتاب توحيد الإمام البخاري في الصحيح, c'est beaucoup sur الصفات. فهذا il faut les تعليقات de شيخ بن باز رحمه الله ou de son élève qui a fini le tahqiq, ou d'autres savants. Hada, si tu lis les livres tout seul et tu penses que c'est mu'taqad ahl sunnah, yadan billah, ça peut être grave. Et hada al-ulama nabahu, ils ont nabah les fautes de l'imam Nawawi, les fautes de l'imam Bayhaqi, les fautes de l'imam San'ani dans Subul, les fautes de l'imam Shawkani wa ghayruhum min al-a'imma. Tastavid min hada annaka tu rejettes ce point. Et on fait pas comme certains égarés qui disent là هؤلاء c'est من أئمة الضلال, et on profite plus d'eux. نعوذ بالله. Ça c'est من الغلو. Là, c'est des أئمة qui étaient à la خير, et ils ont fait beaucoup de sacrifices pour Sunnah. Et celui qui connaît les ouvrages de Al-Hafidh ibn Hajar, il comprendra هذا. Imam Kabir, il a fait un travail énorme. لكن زل في هذا الباب. زل في هذا الباب, et il a interprété certaines صفات. Et كذلك, il faut préciser أن هؤلاء ils ne sont pas à la tariqa de l'Asha'ira dans tout, ils ouvrent toutes les sifat. Là, tu trouves à l'aula l'a'imma yuthbitoun ahyanan, lakin ahyanan yu'awwilun. Ça montre annahum ta'atharu. On dit que c'est des imams, walillahi alhamd, lakin on fait attention aux erreurs. Hada, c'est un tambih pour montrer cette parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, anna hada al-sira' et ces redoute qu'il y a eu, ces réfutations entre l'Asha'ira et l'Mu'tazila, il faut bien comprendre ce point. فقال وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسمائه في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية, وذلك من وجهين. أي إذا démontré رحمه الله أن attention de ne pas croire que les redoutes de l'Asha'ira contre le Mu'tazila, même si des fois ils ont le haq, faut pas croire أن ce qu'ils défendent c'est عقيدة السلف أبدا. والله ils défendaient leur madhab Et c'était basé sur le hawa et c'était fondé sur la raison. Fahdhar. Tu veux comprendre aqidat salaf, lis les livres de Ahl Sunnah. Lis les réfutations contre l'Ash'ari et contre le Mu'tazila. En lisant les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par exemple, rahimahullah wa tastarih. Qala ahaduhuma ay annahu ne pas croire mahtajju bihi lidhalik la tandafi bihi shubah al mu'tazila, ne pas croire dans les réfutations de l'Ash'ari contre le Mu'tazila. Avec ça tu vas comprendre aqidat salaf ou tu vas comprendre l'égarement de Mu'tazila. Deux choses. Qala ahaduhuma annahu tariqun mubtada' lam yakun 'alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa as-salaf al-ummah wa a'immatuha wal bid'atu la tudfa' bil bid'ah wa inma tudfa' bis sunnah. Hadha san kalam jamil. An hadha at-tariq san tariq mubtada' bi fath ad-dal. Ay cette tariq mubtada'. Je dis pas mubtadi', la. C'est tariq que c'est une bid'a. Donc le tariq il est mubtada', et il a été inventé hadha at-tariq. Lam yakun 'alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, c'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des salaf. Thumma qalu wal bid'a la tudfa' bil bid'a wa inma tudfa' bis sunnah. Et ça c'est très très important. Et anna Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah qala fi ash-sharh wa hadhihi qa'idatun mufida fi al-umur al-'ilmiyya wal umur al-'amaliyya. Ça c'est une règle fi al-haqiqa, tu en auras besoin akhi al-karim. Tu en auras besoin dans tout ton apprentissage, dans toute ta vie. Tu auras besoin de cette règle pour comprendre ton din. Annaka, tu ne réponds pas au faux par le faux. Tu ne réponds pas à l'bid'a avec l'bid'a. Ne réponds pas à l'égarement avec de l'égarement. Pour répondre, il s'autorise certaines choses. Mauvais comportement, mauvaise parole, il parle sans dalil. Vous avez déjà remarqué, il réfute. Il parle bil hawa, il parle de sandalil. Thumma lui, quand il réfute, il parle sandalil. Ka'annahu, vu que c'est un mubtil en face de lui, imma kafir, imma mubtadi', il a le droit de parler sandalil. Et quand c'est un sunni, il parle avec dalil, imma dalil. Un sunni peut lui dire, c'est quoi ton dalil? Il faut faire attention. Là, on répond au kufr, à la bid'a, à chaque égarement, avec le haq. Celui qui n'a pas ce haq, فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Tais-toi, akhi. T'es pas responsable. Celui qui s'égare, il s'égare. Celui qui ne comprend pas, il comprend pas. Si tu n'as pas la capacité, فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. Allah سبحانه وتعالى il est أرحم بالعباد. Si tu as le haq, montre, réfute avec adillat al-Qur'an ou al-Sunnah. Mais répondre à l'égarement de Mu'tazila en citant al-Sha'ira, là, on n'a pas besoin de هذا. قال شيخ ابن عثيمين الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لمن نفوا على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا عن أهل السنة فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا أولتم دليله السمع فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا. صحيح في الحقيقة الأشاعرة يزون فيغان باب aux autres égarés. Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont répondu aux Ash'ira? Il y en a un troisième groupe, c'est Ahl Sunnah, Ahl al-Haq, hum, ils les appellent Al-Mujassima. Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya et Al-Ash'ira, ils appellent Ahl Sunnah Mujassima. Pour eux, on dit que Allah il a un visage, des mains, il a akhiré, on fait ressembler Allah à la créature. Mujassima, ça vient du mot jism, comme le corps d'un être humain. Enfin, eux, ils disent Mujassima. فالجهمية والمعتزلة qu'est-ce qu'ils ont répondu aux Ash'ara? Ils leur ont dit antum, vous nous dites qu'on n'accepte pas les noms et certains attributs comme vous, les mains là on suit nos passions, on ne revient pas au délit là. Ils leur ont répondu فالمجسمة et أهل السنة, ils vous reprochent la même chose. On dit le bab qu'ils ont ouvert. Et ça te stafide minhou mada, si tu réponds à un mot et tu n'as pas de délit, tu mélanges, tu te précipites, vroubama ton rot, ça va être contre Ahl al-Haq. Et Al-Mubtil, il va l'utiliser. Il va dire, okay, vous dites, مثلاً, tu trouves le Ba'ab, il se précipite, et Yaroddoun, et dans leur rod, ils insultent. Yat'anoun, rubama vi shaykh min al-mashayikh, ou vi alim. Lakin, il y a quelque chose, il y a nizah, il y a des khilaf, mauvais comportement. Thumma, enta, tu viens, tu dis là, tu fais un rod, il faut respecter l'ulama, l'hujja et tout. Al-Mubtil, il vient, il te dit, lakin, fulan qui est avec toi, il insulte et tout. C'est pour ça qu'on dit que vous insultez les ulama. Quand ceux qui parlent et ils n'ont pas al-quwwa al-ilmiyya, ils n'ont pas le fahm al-rajih, ils rentrent dans des choses, ils font que du mal. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont eu le dessus dans beaucoup de choses. Ils ont dit, si vous dites qu'on doit accepter certains sifat, on vous dit, vous devez accepter les autres sifat que les sunnah ils acceptent. Amma, vous avez rejeté certaines sifat, nous on a rejeté tout. On est pareil dans le rejet. Imma, vous acceptez tout. Vous êtes avec Ahl al-Sunnah, et même vous rejetez tout, vous êtes avec nous. Amma la Sha'ira, ils ont pris un peu d'Ahl al-Sunnah, et ils ont pris beaucoup d'Ahl al-Bid'ah. Qala rahimahullah, فَلِمَادَ تُحَرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَا بِمَا نَرَاهُ دَلِيلًا عَقْلِيًّا وَنُؤَوِّلُ دَلِيلَهُ السَّمْعِ فَلَنَا عُقُولُ كَمَا أَنَّ لَكُمْ عُقُولُ فَإِنْ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً وَإِنْ كَانَتْ عُقُولُكُمْ صَائِبَةً فَكَيْفَ كَانَتْ عُقُولُنَا خَاطِئَةً وَلَيْسَ لَكُمْ حُجَّةٌ فِي الْإِنْكَارِ عَلَيْنَا سِوَى مُجَرَّدِ التَّحَكُّمِ وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْجَهْمِيَّة وَالْمُعْتَزِلَةُ إِذْ رَدُّوا عَلَى الْأَشَاعِرَةِ كَمَا vous avez accepté des sifat avec votre raison et vous avez rejeté des attributs avec des raisons votre raison فَنَحْنُ on a rejeté les sifat avec notre raison. Pourquoi votre raison, elle passerait avant notre raison? Ça montre quoi? Celui qui s'accroche au Coran ou à la Sunna, sa hujja est qawiyya. Tu lui dis, qala Allah, qala Rasul, c'est pas moi qui parle. Imma, il va accepter, imma inad, imma hawa, il va essayer de déformer, mais il sera daïf dans tous les cas. Et hakada, on peut vous donner un exemple, comme on a donné des exemples auparavant, hatta dans sifit al-an, dès que tu parles, parle bid dalil. Tu dis, shirk fulan, il a dit, l'autre, il dira, shirk fulan, il a dit. Ça arrive à Hianan que des frères ils veulent montrer maintenant que les photos c'est haram dans tous les cas. Et c'est le qawl sahih. Et il va dire, qu'al Sheikh Mokbil, qu'al Sheikh Albani. L'autre, c'est notre frère, il a choisi un autre avis. Il va dire, là, Anna, je vois que c'est permis dans telle situation. Il va choisir des qawl. Qu'al Sheikh Ibn Uthaymin, certaines fatawa. Qu'al Sheikh Al-Huytan, qu'al Sheikh Fulan, il a akhir. Si tu viens avec le hujja, avec qawl al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec des usul qawiyya, tu auras la parole d'un sheikh et un délil. Et lui, il ne pourra pas trouver un délil qui autorise les photos. Il aura certains aqwal pour montrer que ce délil, ça ne concerne pas les photos. Il n'aura que ça. Amma, toi, tu auras le délil avec la parole du savant. Et ton délil, il sera aqwa. Les anna qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu musawwir fi nar, c'est un délil qui montre l'interdiction. Tu ne peux pas le citer comme permission. Sauf si tu dis, lakin, ça englobe le pas telle photo, il a akhiré. Et ce n'est pas aussi fort que l'autre délil. C'est ça l'ilm. Qala rahimahullah. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة الماتريدية صحيح. Dans ce point, المعتزلة والجهمية ils se sont moins contredits que الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة ils se sont contredits جدا en acceptant certaines choses et en rejetant d'autres. Les autres ils sont plus égarés, c'est des kuffars. الجهمية on parle, c'est des kavara. لكن ils se sont pas contredits, ils ont tout rejeté. فلهذا dans ce point leur qawl ils se contredit moins. قال ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. Il a résumé à la fin du livre, à la fin de ce chapitre, عقيدة أهل السنة en une phrase. قال إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف. On fait du إثبات, on dit qu'Allah il a des mains sans faire ressembler aux mains des créatures et on ne sait pas le comment. وتنزيها, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas de défaut, il n'a pas de manquement, il ne ressemble pas à la créature, lakin sans faire de ta'til. Donc Allah il a des mains, ce n'est pas comme les mains des créatures et on ne sait pas comment elles sont. إثبات ونفي. قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dans ma nuskha, le verset, il n'est pas cité sous forme de verset. Les versets, normalement, ils sont en gras, avec une police à part, avec les crochets, avec Ammana. Ammana, il n'est pas cité comme ça. Fa'alamu annahu, c'est un verset. Ammavu, il est cité comme verset. Fa'ana, dans ma nuskha, ils l'ont cité comme si c'était min kalam al-mu'allif. Qala tanbihun ulima bima sabaq anna kulla mu'attil mumathil wa kulla mumathil mu'attil. أولا قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور c'est une aïe عظيمة أن التوفيق c'est بيد الله. والله tout ce qu'on fait نحن, ce qu'on essaye de montrer cette عقيدة والله الحمد qu'on s'accroche c'est le haq, c'est pas notre intelligence ou notre ilm أبدا. هؤلاء on a cité بعض الأئمة qui se sont trompés في هذا الباب, c'est incomparable avec notre situation dans l'ibada, dans l'ilm, dans la compréhension, dans le hif, dans tout. لكن التوفيق c'est بيد الله. C'est pour ça que demander à Allah subhanahu wa ta'ala le fahm, Et c'est important pour nous qui faisons ces durous. Akhil Karim, si tu as du mal, tu n'arrives pas à tout saisir, certains mots, demande à Allah Azza wa Jal. Ba'd al-Salaf, il demandait des choses, des choses que nous, on ne pense même pas demander. Des choses très simples. Vraiment, on fait du'a vraiment dans des cas quand c'est critique. C'est pas taïf, hada. Demande à Allah Azzawajal fait ce jour qui te facilite la compréhension des durous, qui te facilite l'application, qui te facilite la mémorisation. Et tu vas voir, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fattah. Yaftah ala man yasha. Qala ulima bima sabaq anna kulla mu'attil mumathil wa kulla mumathil mu'attil. Hada taqaddam ma'ana kathiran. Qala amma ta'atilu al-mu'attil fa zahir. Ta'atilu al-mu'attil zahir. Al-mu'attil, ils font du ta'atil. C'est quoi ma'ana ta'atil? Fattalakhi? Al-inkar, al-tark, al-nafi. Le fait de rejeter. Fal-mu'attil, il fait du ta'atil. Ça, c'est clair. Et il n'accepte pas les sifat. Qala. وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أنه إثبات الصفات يستلزم التشبيه وأنا بدي الأفضل التمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا ça c'est la règle qu'on a expliqué souvent أن chaque معطل il a fait du تمثيل avant de rejeter il a fait ressembler Allah à la créature ثم soit il a rejeté soit il a déformé كما أنه بتعطيله مثله بالناقص وأما تمثيل الممثل فظاهر الممثل fait du تمثيل ça c'est clair وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه الممثل celui qui fait ressembler Allah à la créature في الحقيقة c'est un معطل لماذا قال الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة أي نعم فمثلا est-ce que الممثل il dit qu'Allah il a des mains لا il dit il a des mains comme celles des créatures عياذا بالله فإسكي يؤمن أن الله سبحانه وتعالى il a des mains تليق به لا فالممثل سامعطل قال حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه أن الممثل pourquoi سامعطل أنه عطل كل نص يدل على نفي التمثيل مثل ماذا أحسنت ليس كمثله شيء est-ce que الممثل يؤمن بالآية لا il croirait en ce verset, il aurait mis en application, il n'aurait pas fait ressembler Allah à la créature. Enfin, en rejetant ce verset, en fait, il a fait du ta'atil. قال الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. عطل الكمال. مثلا, quand le mu'attil dit qu'Allah il a des mains, est-ce que c'est des mains parfaites? Là, il y en a pour lui, c'est des mains comme les mains de l'être humain. Les mains de l'être humain ne sont pas parfaites. Donc il a fait du ta'atil lil-kamal. عطل كمال الله إلى perfection. فالصفات كل ممثل يؤمن بها في الحقيقة هذه الصفات دو مخلوق ناقصة. فالممثل سامعطل كافر بالله سبحانه وتعالى. فالحمد لله انتهينا من هذه القواعد. فهذا فغيزي هذه القواعد. القواعد sont très simples. Vous les avez comprises. Le dernier, la dernière قاعدة, elle est un peu plus compliquée. لماذا؟ لأن الشيخ ابن عثيمين في الحقيقة إلى كومبريسي ريزومي الكلام كاد رحمه الله أن يلخص كتاب الحموية التدمورية بوكو دو باساج دون سي ديرنيغ باج أنا بعض الأئمة هذا الكلام افيك دي زيكزامبل افيك استدلال كثير اي تو ا لو تون دو تو ا لو تون تستوعب أكثر أما هنا في الحقيقة إلى ريزومي كثيرا فلهذا بعض الإخوة ربما إيزون با تو سيزي والأمر سهل ريفيزي القواعد Et cette qaïda, la dernière, elle est redoute sur l'Ash'ira, celui qui n'a pas tout compris, Al-Amr Yassir, l'Anna, c'est exactement le dors à Tedmouria. Tedmouria, elle est divisée en deux. La première partie, c'est cette qaïda. La deuxième partie, c'est sur le Qadr. C'est sur le sujet du destin qu'on a déjà vu ensemble et qu'on reverra, bi-idhnillah, dans les kutub de Aqid. Fa-hakada, antum, révisez les qawaïd. Si tu as compris les qawaïd, Inch'Allah, même si certains passages n'ont pas compris ça, et l'explication qu'on a fait, elle est simple. Et en relisant, en révisant, les frères, vous comprendrez. Naktafi bihada, li'annahu dhahab al-waqt. Et à partir de mardi, Inch'Allah, avant de faire l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sharh al-Asma al-Husna de Sheikh Sa'di rahimahullah, on finira on est au mois de Safar, et on avait l'habitude de, chaque mois, on faisait le résumé de la Ta'if al-Ma'arif de Hafid ibn Rajab sur les mois de l'année. Et vu qu'on est la fin de Safar, on fera le mois de Safar. Et si on peut, mardi et jeudi, on fera le mois de Rabi' al-Awwal, tout ce qui est dit au Mawlid il a akhiré, Al-Hafid il a résumé là, hatta on arrive à, Inch'Allah, finir le livre. On a déjà fait Ramadan, c'est une grosse partie du livre, en 7-8 cours. On a fait le mois de Muharram, tout ce qui est lié à Ashura, la dernière fois, au mois de Muharram. Et l'an, on arrive à Safar, enfin, on en profite cette semaine, le temps de réviser Hada, réviser le bien, et après, Inch'Allah, on passera à l'autre dors. Et Kadarik, on continuera la risala de Sheikh Hamoud. Emmenez quand même le livre de Sheikh Saadi, on ne sait jamais. Lakin, ce qu'on a prévu, c'est Hada, Wallahu Ta'ala, أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.